Chapitre 4. Les yeux et les oreilles de Hazrin. Tandis que Karim et Zara restent assis sur le banc du boulevard face à la mer, le portable de Zara sonne. Aussitôt, Karim retire sa main de celle de son amie. Néanmoins, celle-ci ne réagit pas. L'appareil persiste à sonner, longuement, sans s'interrompre. Karim finit par tourner le regard vers son amie, cherchant à comprendre pourquoi elle ne répond pas. Zara s'y résigne. Elle sort l'appareil de son sac. En regardant l'écran, elle pâlit fortement. Elle met le téléphone près de son oreille, écoute un instant, puis dit vivement « D'accord, dans une demi-heure. » Elle raccroche nerveusement, puis, troublée, déclare à Karim « Excuse-moi, je dois aller à mon travail. » Karim n'ose pas solliciter un éclaircissement. Environ 30 minutes après, Zara est face à son démon. « Alors, d'autres informations sur ton jeune voisin ?» Elle ne parvient pas à cacher son malaise. Le policier le remarque et ricane. « Alors ?» insiste-t-il d'une voix sévère. Elle le fixe tout en restant bouche cousue. « Allez, je vais t'aider à coucher !» déclare-t-il avec un affreux rictus. Il appuie sur le bouton d'un petit appareil près de lui sur le bureau. Zara entend, abasourdie, une partie de sa conversation avec Karim alors qu'ils étaient au sommet de la montagne du Murjadjo. Le policier stoppe l'appareil. « Je croyais, » dit-il avec un triomphe goguenard, « que tu savais que nous avons des yeux et des oreilles partout, y compris sur nos collaborateurs. » Désorienté, Zara baisse les yeux. L'homme attend, tout satisfait de lui-même. Zara retrouve son sang-froid. Elle réplique. « C'est normal. » Ceci dit, comme l'enregistrement le constate, la conversation ne contenait rien d'alarmant, digne d'être signalé. « Ah, bien répondu, » apprécie le policier. « Tu te défends bien. » Alors voici ce que je te demande de faire. La nuit, tu attendras l'arrivée de ce voisin. Quand il sera dans le couloir de votre immeuble, tu sortiras et tu hurleras qu'il veut te violer. « Non !» répond spontanément Zara, effarée de la proposition. « Ça, non. Et pourquoi ? Je n'en suis pas capable. Pourquoi donc ? C'est quelque chose que je n'aime pas faire. « Qu'est-ce que cela te coûte ? Ce que je te demande fait partie du travail. Je ne t'ai quand même pas demandé de coucher avec ton voisin, ni de le tuer. » Il attend la réaction de Zara. Elle reste impassible. L'homme reprend. « Alors, que dis-tu ? Je fais ce que je peux, » répond Zara. « Je te prenais pour une collaboratrice parfaite. Je n'ai jamais prétendu l'être. » Le policier met son dos plus confortablement contre le fauteuil, puis fixe ses yeux scrutateurs sur Zara, en plissant légèrement les paupières. Visiblement, il attend d'elle une meilleure réaction. Rien ne vient. La moucharde baisse les yeux vers le sol. Son chef lance. « Est-ce que tu es une bonne patriote ?» Zara relève les yeux, surprise par la question. Elle finit par demander « Qu'est-ce que cela veut dire ? Es-tu capable de défendre ton pays contre toute menace contre lui ?»« Je m'efforcerai, mais je ne suis certainement pas une héroïne. »« Ah, je comprends, » dit le policier avec une désagréable moue. « Ceci dit, » ajoute Zara, « mon voisin ne me semble pas une menace pour notre pays. Qu'est-ce qui te le fait croire ? Il a l'air d'être un bon garçon. » Certes, révolté contre les injustices qu'il voit autour de lui, comme d'ailleurs beaucoup d'autres personnes. Est-ce là une menace pour notre pays ? Elle peut l'être, affirme le policier, et nous sommes précisément payés, toi et moi, pour le savoir. Zara ne sait pas comment ces autres paroles sortent brusquement de sa bouche. Puisqu'on parle de mon voisin, je songe à me marier avec lui. L'homme, d'abord abasourdi, éclate du plus sonore et moqueur rire dont il est capable. Non pas parce qu'il ignore le genre de relation auxquelles sont parvenus Zara et Karim. Depuis longtemps, ils sont espionnés à leur insu. Toutes leurs rencontres sont enregistrées. Cependant, le policier ne s'attendait absolument pas à cette déclaration de sa moucharde. Il estimait que son comportement vers Karim était dicté par son devoir d'espionne, et rien d'autre. D'autant plus qu'il connaissait le très particulier passé de Zara. Aussi lui lance-t-il du ton le plus férocement ironique. « As-tu oublié qui tu es ?» La question est une lame de couteau violemment introduite dans la chair vive de Zara. Elle baisse instinctivement la tête, puis soudain, elle la relève, fixe fièrement le vil personnage et affirme d'une voix dure « Je n'ai jamais oublié mon passé, sinon je ne serais pas ici. » Plutôt impressionné par la réaction ferme de cette chienne, comme il l'a toujours nommée mentalement, le policier réfléchit. Il conclut « Alors fais bien ton travail, comme tu l'as toujours fait auparavant. Je te connais assez pour savoir que, si tu le veux, tu es capable de tout. » Zara demeure impassible. Le chef ajoute « Ton fameux passé ne le prouve-t-il pas ?»« Le salaud, l'immonde salaud !» pense Zara, sans rien montrer sur son visage. L'homme dit encore quant à cette bizarre idée qui t'est venue de te marier, et avec rien moins que ce type-là, je pense qu'elle te passera, et vite, il ajoute menaçant, dans ton intérêt. Une fois sortie de l'antre de l'Inquisition, Zara a la confirmation, elle est sous surveillance. Par conséquent, elle doit être sur ses gardes. À ce sujet, un signe vient renforcer sa conclusion. En sortant du bureau, le gentil Moussa, le policier préposé à la réception, la regarde, pour la première fois d'une manière inquiète, signifiant clairement « Tu es en danger, fais attention à toi ». Zara lui sourit avec une expression de reconnaissance et d'amitié.